J'ai tourné la page, c'était la dernière donc j'ai fermé le livre. J'ai fait le deuil, je me permets de revivre. J'étais sous les yeux à chaque fois que j'écris. Mais cherche plus ton regard, je sais que même sous d'autres yeux, y'aura pas de plus tard. Ça me rend plus triste. Une feuille, un stylo, un beat, un 8 pistes. À pousser des mots sombres dans le micro, j'ai été mon propre exorciste. Témoignage de ce bout de route, des photos et quelques chansons. Des plaies trop longtemps ouvertes, mais passons. Vers l'heure de rouvrir les yeux, renaissance. J'ai négligé des proches dans ma convalescence. Je sais qui était là, quand moi j'y étais pas. Mort à la plat, j'étais là. Ma cadence était lente, personne n'a forcé le pas. J'avançais le profil bas. Quand t'es mal, les années passent et toi t'en profites pas. L'écriture de 2 minutes à lire comme une torture. Une putain de douleur, le cœur qui rééclate sous l'armure. Sur hier, mais là il se fait tard. J'ai fermé les fonds de l'histoire. Un jour les routes séparent. J'ai plus la gueule au soleil. En tout cas, bien moins qu'avant. J'ai cultivé ma peine. Maintenant je regarde devant. J'pourrais écrire des heures sur hier, mais là il se fait tard. J'ai fermé les fonds de l'histoire. Un jour les routes séparent. J'ai plus la gueule au soleil. En tout cas, bien moins qu'avant. J'ai cultivé ma peine. Maintenant je regarde devant. J'ai tourné la page. C'était la dernière donc j'ai fermé le livre. J'ai lu, relu des passages. J'en ai sauté d'autres. Priant pour que l'épilogue me délivre. Mais la fin fut tellement brutale, incompréhensible, ça m'a fait si mal. Je me suis dit faut que je poursuive. J'ai écrit pour perdure ma première histoire d'amour. Et Axisco qui était là pour me suivre. Me lâchant des prods, profonde comme ma peine. Sous ton du rap et ses faux codes. J'ai versifié ma détresse sans la moindre mise en scène. La couleur et les pinceaux, un nouveau chapitre, à notre histoire. 2 minutes à lire, 2 textes à titre posthume. Écrit à cœur ouvert, sans masque ni costume. Je pourrais écrire 2 heures sur hier, mais là il se fait tard. J'ai fermé les fonds de l'histoire, un jour les routes séparent. J'ai plus la gueule au soleil, en tout cas bien moins qu'avant. J'ai cultivé ma peine, maintenant je regarde devant. Je pourrais écrire 2 heures sur hier, mais là il se fait tard. J'ai fermé les fonds de l'histoire, un jour les routes séparent. J'ai plus la gueule au soleil, en tout cas bien moins qu'avant. J'ai cultivé ma peine, maintenant je regarde devant. J'ai cultivé ma peine, maintenant je regarde devant. Rentrer mon moteur, Andersen, le groupe prend de la hauteur. Mes mots se perdent plus dans le vent. Je retrouve le goût de la scène, aux sources d'une vie rap. Des projets plein la tête, nous tiennent éveillés jusqu'au soleil et le vent. Je me sens comme lavé, à vif reflet d'une époque où j'étais mal. C'est dégravé, aujourd'hui je fais siffler les crotales. Jalousé, parce que mon équipe fait trop mal. Parce que nos lames sont trop aiguisées. Fontenay, encore et toujours, immuable. Aussi vrai que les gens qu'on a aimés, on les aime toujours, regrettable. Un mot que j'ai eu, mes excuses, j'ai fait comme j'ai pu. 2003, je prends le mic avec la même rage qu'à mes débuts. Canicule, conditions d'enregistrement difficiles. Nuit d'été, on accouche tranquillement d'un missile. Nouvel album, et pieds de nez à ceux qui me trouvaient larmoyant. Traquin, mange-toi post-scriptum en pleine gueule. Violon et bruyant, mais dans le style trop brillant. J'ai cultivé ma peine, j'ai retrouvé une reine. Et le hip-hop encore redécouvre un de ses meilleurs clients. J'pourrais écrire 2 heures sur hier, mais là il se fait tard. J'ai fermé les fonds de l'histoire, un jour les routes séparent. J'ai plus la gueule au soleil, en tout cas bien moins qu'avant. J'ai cultivé ma peine, maintenant je regarde devant. J'pourrais écrire 2 heures sur hier, mais là il se fait tard. J'ai fermé les fonds de l'histoire, un jour les routes séparent. J'ai plus la gueule au soleil, en tout cas bien moins qu'avant. J'ai cultivé ma peine, maintenant je regarde devant.